Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Marcel Gauvreau sur les pas de Marie-Victorin. Il y a une sorte de coup de foudre, pourrait-on dire. Marie-Victorin va, dans son journal, noter l'intensité de cette jeune fille-là. Il l'oubliera jamais. Elle va s'inscrire au cours de botanique de l'Université de Montréal, au cours de Marie-Victorin. Et un jour, elle va lui demander conseil sur sa vocation religieuse. Elle va être à la fois choquée, troublée et fascinée par le fait que le frère Marie-Victorin va lui dire « Ne perdez pas votre temps avec la vie religieuse. » Le nom de Marcel Gauvreau reste étroitement associé à celui de Marie-Victorin. Pendant des années, elle sera son assistante et toute sa vie, elle va le considérer comme un mentor. La correspondance qu'ils entretiendront, dont on a beaucoup parlé dernièrement, apporte aussi peut-être un éclairage nouveau à ce coup de foudre dont parlait déjà Guy Beausoleil en 1991 à l'émission L'Aventure. Mais tout ça ne doit pas nous faire oublier le rôle de pionnière qui revient à Marcel Gauvreau, qui a été l'une des premières femmes à faire carrière dans le domaine de la science au Québec. Toute la correspondance témoigne de leur volonté de demeurer chaste. Mais le frère Marie-Victorin entraîne éventuellement Marcel sur une voie nouvelle, avec une question qui la met au défi. Croyez-vous qu'une personne humaine a le droit de prendre les moyens nécessaires pour se procurer le sperme nécessaire à l'observation? Qu'en pense ma théologienne? Je ne vois aucune objection à observer du sperme vivant. Chacun fera ensuite, à mots choisis, le récit de ce dimanche passé ensemble, le 18 janvier 1942. Ce jour-là, sans penser à mal et sans aucun péché, votre petite fille Marcel est devenue une femme. Je ne pourrai jamais vous remercier assez d'avoir opéré cette métamorphose. Je ne pourrai jamais oublier que j'ai senti contre moi le battement précipité de votre chair intime. J'ai trouvé dans la connaissance directe de la chair masculine un intérêt inexprimable. Ce fut le dernier voile, ou l'avant-dernier voile qui tombait entre nous. Je continue de vous aimer comme avant, de la plus pure affection. Extrait de l'émission Enquête du 8 février 2018 et ce reportage de Luc Chartrand consacré à la correspondance entre Marcel Gauvreau et Marie-Victorin, dont on a beaucoup parlé dernièrement. Pour nous parler de l'importance qu'a eu Marcel Gauvreau comme femme dans l'histoire des sciences au Québec, je reçois la journaliste scientifique Marianne Desautels-Marissal, que vous pouvez entendre aux Années-Lumière, aux Éclaireurs et à Électron Libre. Marianne Desautels-Marissal, bonjour. Bonjour. On va revenir, bien sûr, sur cette correspondance dont on a beaucoup, beaucoup parlé dernièrement dans un instant. Mais d'abord, un mot sur elle, Marcel Gauvreau, sur l'importance qu'elle a eue, Marcel Gauvreau, dans l'histoire de la science au Québec. Mais comme vous l'avez dit, c'est une des premières femmes qui a fait carrière en science, mais c'était aussi une vulgarisatrice. Elle communiquait beaucoup ses travaux et elle vulgarisait la science pour les tout-petits. Donc, pour elle, la démocratisation de la méthode scientifique auprès des francophones, tout comme le frère Marie-Victorin, d'ailleurs, c'était très important pour elle que les francophones se réapproprient ce savoir-là ou se l'approprient du moins et investissent les domaines scientifiques. Et dès le plus jeune âge. Et elle-même, d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que cette vocation de vulgarisatrice, ça vient très, très tôt dans sa vie. Oui, en fait, dès qu'elle commence ses cours à l'Institut botanique, elle va vouloir communiquer. Quand elle fait une maîtrise en biologie aussi, elle communique ses travaux dès les premiers congrès de l'ACFAS et elle va les présenter à chaque année ensuite, à chaque congrès de l'ACFAS pendant 11 ans. Ouais. Et elle écrit beaucoup. Elle écrit des chroniques pour les cercles des jeunes naturalistes. Donc, elle a une grande production de vulgarisation scientifique. Parlons un petit peu de ses origines quand même pour voir d'où elle vient. Elle naît à Rimouski en 1907. Parlez-nous un petit peu du milieu auquel elle appartient. À quoi ressemble la vie de la tout petite Marcel? Alors Marcel, elle naît en 1907 à Rimouski. Elle vient d'une famille de 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Son père, c'est Joseph Gauvreau, qui est un médecin qui pratiquait la médecine à Rimouski jusqu'en 1909, où il a subi un accident de voiture. Ça va va le laisser handicapé, il va devoir se faire amputer le bras gauche et ils vont déménager, toute la famille, à Montréal. Ils vont habiter dans le Mile End et là, son père occupera le poste de registraire du Collège des médecins et des chirurgiens de la province de Québec pendant des années. Son père, c'est une figure importante de la défense du français, des droits des francophones du Canada. Mm-hmm. C'est un des fondateurs de la Ligue des droits du français. Il fait la promotion aussi de la tempérance, des mesures de prévention en santé publique. C'est un hygiéniste et c'est un orateur, un communicateur lui aussi. Alors, elle tient probablement ça de lui. Et pour vous donner un portrait de la famille, le nom Gauvreau, en fait, c'est une famille qui est assez connue. Jean-Marie Gauvreau, qui est le directeur de l'École du meuble de Montréal, où il va enseigner à Paul-Émile Bordua, c'est son frère à Marcel. Mmh. Et sa sœur Rachel, qui était mariée à Albert Jutras, c'est la mère de Claude Jutras, le cinéaste. Ouais. Et donc, Claude Jutras va même dire que c'est à la suite de la projection d'un film chez sa tante, Marcel, qu'il a développé un amour du cinéma et que sa passion est née. Là. Alors, si Jutras développe son amour du cinéma et sa passion pour le cinéma dans le cadre familial, comment la petite Marcel, elle, développe son amour de la nature d'abord, je pense. On peut dire ça, Marianne. Et puis après, carrément de la botanique. Oui, bien, en fait, elle développe son amour de la nature un peu à cause de la maladie, parce qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Elle a eu la poliomyélite. Elle a eu aussi la tuberculose. Donc, souvent, elle a eu à interrompre ses études. Et son père avait acheté une maison dans le comté de Soulanges, en campagne, sur le bord d'une rivière, à Rivière-Baudette, où elle a passé beaucoup de temps en convalescence. Et c'est là qu'elle a pu développer son amour de la nature et son sens de l'observation, de la contemplation. Ironiquement aussi, le frère Marie-Victorin, lui aussi, il a découvert sa passion pour la contemplation de la nature à cause de la maladie. Il avait aussi la tuberculose. Ouais. Il a été confiné au repos à la campagne, notamment en 1905, où c'est là que l'étincelle là, serait née pour lui. Donc, ils ont ça en commun. Vous parlez de Marie-Victorin. Ça, c'est une rencontre, évidemment, qui va être très, très importante, la rencontre de Marie-Victorin dans la vie de Marcel Gauvreau. Ça se passe comment? Quand et dans quelles circonstances il apparaît dans sa vie? Ben, c'est à l'été 1930, alors qu'il lance un grand concours dans le journal Le Devoir. C'est assez connu, cet événement-là. Il a invité la jeunesse québécoise à parcourir les bois pour constituer des herbiers provenant de la forêt laurentienne, parce qu'il était à accumuler des échantillons, finalement, pour son œuvre la plus connue, La flore laurentienne. Mm-hmm. Et là, ça a été un grand succès. Et Marcel, elle a vraiment été appelée par ce concours-là, et elle a passé tout son été jusqu'au mois d'octobre à documenter, à herboriser méticuleusement avec des photos, des illustrations, des descriptions. Elle a présenté un magnifique herbier qui a été jugé hors concours parce qu'elle était trop âgée et comme elle avait déjà entamé des études en lettres et en philosophie à l'Université de Montréal, bon, son herbier a eu une mention, mais elle n'a pas gagné de prix. Mais Marie-Victorin remarque cette candidature-là, dès ce moment-là. Absolument. Puis il faut dire que c'était un ami de la famille aussi, Marie-Victorin. Mais à ce moment-là, il a vraiment pris Marcel Gauvreau sous son aile et ils se sont connus de manière plus professionnelle, si vous voulez. Elle a décidé de changer son parcours. Son destin a bifurqué complètement. Elle a commencé des études à l'Institut botanique. Et là, je ne sais pas si c'était pour rattraper le temps qu'elle avait un peu perdu ou si elle avait été freinée par la maladie, mais ensuite, elle s'est lancée dans des études. Elle a fait des cours de bibliothéconomie à l'Université McGill. Elle a fait des certificats de botanique systématique, de botanique générale. Et donc, elle obtient sa licence en sciences naturelles en 1933. Mm-hmm. Et ensuite, elle va entamer une maîtrise dans laquelle elle se lance dans l'herborisation des algues de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Ouais. Et c'est pas rien à l'époque. D'abord, Marie-Victorin va dire d'elle, je le cite ou à peu près, c'est l'une des plus brillantes élèves de la faculté des sciences. Vous dites ça aujourd'hui, on se dit, bon, maîtrise, oui, bon, en sciences, une femme. Mais à l'époque, c'est vraiment exceptionnel. Oui, parce qu'il faut se souvenir que dans les années 30 encore, dans les programmes pour filles, la chimie, la physique, l'algèbre, l'arithmétique étaient le plus souvent remplacés par des cours d'économie familiale où on appelait ça l'art ménager. Oui. En 1916, il y avait seulement 4 communautés religieuses au Québec qui offraient des cours un peu plus scientifiques. En fait, c'était des religieuses qui souhaitaient pousser un peu plus l'éducation post-primaire là, pour les filles. Et donc, c'est ce qu'a fait Marcel Gauvreau. C'est sûr qu'elle venait d'un milieu quand même assez aisée, ce qui lui a permis de s'ouvrir aux sciences un peu plus et de pouvoir entamer ce parcours-là. Ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque qui faisaient des maîtrises en sciences. Ouais. C'est sûr que c'est difficile. Vous parliez des algues marines pour lesquelles elle va se passionner. Ça va durer 5 ans, cette affaire-là. Puis elle va faire des travaux vraiment très, très sérieux et reconnus, là. Oui, puis elle a fait beaucoup plus que ce qu'on exigeait pour une simple maîtrise. C'est d'ailleurs des fois encore le cas en sciences. Les femmes ont à faire leurs preuves encore plus. Mais je pense que Marcel, elle le fait surtout par passion, ouais. Vraiment pour... Un peu comme le frère Marie-Victorin qui a recensé la flore laurentienne. Elle a vraiment recensé dans le détail les algues de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Donc, à chaque été, elle faisait des voyages. Parfois, écoutez, elle a vadrouillé en Gaspésie avec le célèbre écologiste Pierre Dansereau, imaginez. Et donc, elle changeait de région. Elle a fait les îles de la Madeleine aussi. Elle a vraiment voyagé beaucoup. Elle a entretenu des correspondances avec des spécialistes américains des algues. Ouais. Donc, elle a remis un travail qui était vraiment exemplaire, qu'elle a présenté évidemment au congrès de l'ACFAS aussi. Et son œuvre, en fait, elle a déposé sa maîtrise, elle a obtenu sa maîtrise en 1939, mais c'est quand même resté d'actualité, c'est-à-dire qu'en 1956, son mémoire de maîtrise a été publié sous les algues marines du Québec par les publications du Jardin botanique de Montréal. Ouais. Et puis déjà, donc, avec ce travail-là, fin des années 30, début des années 40, elle a réussi à vraiment à faire sa place dans le domaine des sciences. Elle va faire partie de l'équipe qui entoure le frère Marie-Victorin. Mais, particularité de l'époque, ça nous ramène à une femme qui fait de la science, à une époque où peu de femmes en font. Et elle se retrouve, c'est la seule femme au milieu de tous ces hommes qui entourent Marie-Victorin. On écoute à nouveau Guy Beausoleil à l'émission L'Aventure en 1991. Marcel, qui est jolie, qui est très féminine et qui ne veut pas se marier, elle ne sait pas au juste ce qu'elle désire pour elle-même, mais elle sait très bien que le mariage n'est pas son but dans la vie. Elle désire avoir une carrière et elle est très, très, très contente et satisfaite, passionnée par ce qu'elle fait tous les jours à l'Institut botanique et surtout par sa collaboration avec le frère Marie-Victorin. Évidemment, dans un monde d'hommes comme celui-là, le frère Marie-Victorin est entouré majoritairement par de jeunes hommes, par des collaborateurs qui sont, eux, dans la fin de la vingtaine. Eh bien, Marcel est vu, bien sûr, et comme une exception, comme une femme émancipée. Et elle est, on peut dire, d'une certaine façon, la victime d'un certain harcèlement constant, un harcèlement secret, pas très avoué, un harcèlement réel néanmoins. Comment va se débrouiller Marcel Gauvreau dans ce monde d'hommes, entouré d'hommes, à faire de la science à cette époque-là, Marianne Desautels-Marissal? Mais c'est certain que ça n'a pas dû être facile. Ben, d'abord, elle avait des aspirations d'enseigner à l'Université de Montréal. Elle aurait aimé, sa maîtrise lui aurait permis d'accéder à un poste d'enseignement à l'Université de Montréal. Le frère Marie-Victorin l'a découragé d'aller dans cette voie-là, lui a plutôt dit qu'elle pourrait se consacrer aux enfants d'âge précoce scolaire, en fondant l'école de l'éveil. On y reviendra probablement plus tard, mais elle s'est aussi engagée dans plusieurs associations et au sein de ces organisations-là, elle occupait plutôt des postes dits féminins, de secrétaire. Donc, elle occupait des postes qui étaient importants, mais qui étaient peut-être moins prestigieux. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'elle a cheminé dans ce monde d'hommes-là. Et c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas eu beaucoup de reconnaissance. Souvent, on la nomme seulement comme l'assistante ou la secrétaire du frère Marie-Victorin, alors qu'elle occupait vraiment des postes importants. Là, ses activités, c'était névralgique au sein de l'Institut botanique de Montréal. En fait. Ouais. Donc ça, c'est très... elle devra porter... Même si elle... C'est quand même fascinant, mais ça nous en dit beaucoup sur l'époque. Même si elle bénéficie de la protection, au fond, parce que ça va lui servir, le Marie-Victorin, elle est quand même freinée. C'est une femme qu'on, peut-être pas directement, mais qui est remise à sa place comme femme de science, qui n'a pas les postes qu'elle devrait avoir. C'est incroyable quand même. Ouais. Son intérêt pour la vulgarisation va l'amener à créer cette fameuse école dont vous parliez. C'est le même esprit, là, l'école de l'éveil. Elle veut très vite intéresser les jeunes à la science. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors, l'école de l'éveil, c'est pas une école où on apprend à lire ou à écrire. C'est vraiment une école où on apprend à observer la nature. Alors, c'est des cours qui sont destinée aux jeunes de 4 à 6, 7 ans. Ça consiste en des excursions à la campagne, la constitution de petites collections de plantes, d'insectes, de minéraux. Alors, c'est Marcel Gauvreau qui élabore les cours. Elle a suivi des cours de pédagogie pour ça. Elle a voyagé aussi dans le monde pour voir comment ça se faisait dans d'autres institutions parce que l'enseignement préscolaire, c'était pas encore à l'horaire au Québec à l'époque. Et donc, l'École de l'éveil, elle va occuper ce poste-là pendant 33 ans. Donc, elle va fonder l'école, elle va recruter des jeunes, ça va grossir sans arrêt. Il y a à peu près 3500 jeunes qui seront passés par là à la fin, en fait, à la mort de Marcel Gauvreau. Là. Et ça, c'est vraiment un de ses principaux legs, ouais. Hein, quand on regarde son héritage. Bon, la fameuse relation entre Marcel Gauvreau et Marie Victorin, on y vient plus directement. Je propose d'abord d'écouter un autre extrait du reportage de Luc Chartrand, diffusé à l'émission Enquête le 8 février 2018. Pendant une dizaine d'années, le frère Marie-Victorin a partagé des confidences étonnantes avec une jeune collaboratrice. Elle s'appelait Marcel Gauvreau. C'était des lettres sexuellement très explicites. Mais elle n'en était pas offensée. Au contraire. Vous me faites beaucoup d'honneur. Je veux bien me prêter à votre désir, tout en étant toujours un peu effrayée de mon audace. Voyons, chère fille, la preuve vivante que l'on peut tout voir, tout savoir de l'humaine nature sans que cette connaissance soit une souillure, sans que ce contact avec les choses dites honteuses nous rabaisse en rien. Ils sont tous les deux bien conscients de se trouver sur un terrain moralement glissant. Il est un religieux et il a fait vœu de chasteté. Elle a 27 ans, 22 ans de moins que lui. Elle est célibataire, elle est vierge. Et elle n'a au début de ses échanges qu'une connaissance approximative de la sexualité. Il s'impose comme son guide, tant par son âge que par son statut de scientifique et celui d'homme d'église. Elle l'appelle papa et se présente comme sa fille. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, cette fameuse correspondance dont faisait état le reportage de Luc Chartrand sur la nature de la relation qu'ils auront, l'un et l'autre, Marie-Victorin et Marcel Gauvreau? Mais je pense que ça nous dit à quel point leur relation était singulière, parce qu'on l'entend dans les extraits, il l'appelle sa fille, elle lui dit « cher père ». Donc, il y a vraiment une influence paternelle sur Marcel Gauvreau. Il la guide et elle est tellement en admiration qu'elle suit ses conseils, elle est prête à aller très loin pour répondre à ses demandes. Et en même temps, mais il y a une relation charnelle là-dedans. Alors, il y a un malaise quand on entend ça aussi. Elle est difficile à cerner, cette relation-là. Ils sont proches, il y a ce rôle de mentor, mais en même temps, comme leur correspondance touche beaucoup, puis on va y venir dans un instant, mais sur le plan, entre guillemets, scientifique, à la sexualité, parfois on se dit, on est dans quoi? On est dans la science de la sexualité, on est dans l'érotisme, on est dans la relation amoureuse. Mais c'est tout ça, je crois. Puis on sent beaucoup la curiosité scientifique, je trouve. Même l'humour ou la légèreté de ces conversations-là, parce qu'on parle de sexualité, mais vraiment l'étincelle de curiosité, d'aller voir vers l'inconnu. C'était vraiment tabou et inconnu à l'époque. Donc, c'était vraiment un travail d'exploration aussi qu'ils avaient ensemble. Oui. Grande affection, avec peut-être un peu plus, si on se fie à l'extrait qu'on entendait, en tout cas au tout début de l'émission. Cette correspondance-là va aussi nous amener plus purement sur le terrain de la science. On écoute à nouveau Luc Chartrand, qui s'était déjà penché sur cette correspondance en 1990. Extrait de l'émission Aujourd'hui la science du 18 février 1990. Il s'agit d'une correspondance assez étonnante qui est composée de plusieurs longues lettres, une douzaine de lettres en tout, que le frère Marie-Victorin a échangé pendant 11 ans, c'est-à-dire entre 1933 et 1944, avec une jeune femme que nous avons appelée dans cet article Mademoiselle D, pour préserver son anonymat. Ce sont des lettres érotiques, amoureuses aussi. Ce sont des lettres parfois au langage très cru, mais qui conservent quand même une qualité littéraire très valable. Et un des intérêts particuliers de ces lettres, c'est que leurs auteurs les qualifient de lettres biologiques. On présente des expériences sexuelles à travers sous le recours à l'expérience, à la recherche. On emploie des termes très anatomiques pour décrire ces expériences-là. Par contre, on ne s'épargne, entre les deux correspondants, on n'épargne aucune expérience, c'est-à-dire qu'on ne recule devant aucune exploration dans le domaine de la sexualité. Quel intérêt ont ces lettres biologiques, pour reprendre l'expression utilisée, sur le plan scientifique, Marianne Desautels-Marissal? Bien, sur le plan scientifique, en fait, c'est un travail de défrichage, mais je crois que ça touche aussi la vulgarisation scientifique ou la communication du savoir scientifique à propos de la biologie humaine, surtout auprès des jeunes. C'était vraiment, encore une fois, là, ça revient dans leurs préoccupations aux deux. Marcel, entre autres, il déplore le fait que les menstruations restent un mystère pour les jeunes filles, que ça, quand la première fois que ça arrive, elles ne savent pas ce qui se passe. Bon, Marie-Victorin, il évoque l'idée d'élaborer un livre sur la sexualité humaine. Les deux, ils critiquent le tabou qui entoure la sexualité. Ils se désolent que la jeunesse n'a aucune connaissance du corps humain, de la sexualité humaine. Et dans la correspondance, il y a des descriptions très détaillées, des descriptions biologiques, au fond, liées à la sexualité, aux appareils reproducteurs. Ça, c'est présent. Puis il y a une dimension un peu plus sociologique aussi, là, quand vous parlez de vulgarisation. Il y a un côté très moderne. On l'a bien vu dans les reportages qui ont été faits sur cette correspondance. On est presque dans la sociologie, là. Oui, puis il y a un côté transgressif aussi, oui. Parce que Marie-Victorin critique un peu la chasteté qu'on impose chez les religieux. Il se pose des questions aussi sur l'impact que ces vœux de chasteté-là ont sur la qualité du service religieux et la santé mentale même. C'est vraiment avant-gardiste. Quand il meurt en 1944, ce sera très, très difficile pour Marcel Gauvreau. Comment il va vivre cette mort, ce deuil-là? Ben c'est une perte. Elle est inconsolable, en fait. C'était vraiment son âme-sœur. Elle était son bras droit aussi. Et en fait, Marie-Victorin l'avait aidé beaucoup à se placer dans certaines organisations, à se construire une carrière, à être très présente dans les milieux communautaires à vocation scientifique. Mais à sa mort, elle a dû se battre pour que son travail, premièrement, soit reconnu. Mm-hmm. À l'Institut botanique, elle était restée botaniste de grade 1 depuis le début. Elle avait écrit à certains de ses amis, elle était vraiment en détresse pour que son travail soit reconnu et pour qu'elle soit payée décemment. Elle a même écrit une lettre à Camillien Houde en lui disant avoir su, finalement, j'aurais fait un parcours classique de femme parce que je suis moins bien payée qu'une sténodactylo. Donc, ça a été très, très, très difficile. Finalement, la protection du frère Marie-Victorin s'est un peu retournée contre elle à sa mort parce que, comme ils n'étaient plus ensemble, elle devait vraiment se battre là, pour garder ses positions qu'elle avait acquises. Un mot sur son héritage. Quand on détache son nom à Marcel Gauvreau de celui de Marie-Victorin, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on voit? Elle n'était pas seulement l'automate ou obéissante du frère Marie-Victorin. Elle avait vraiment une volonté de faire. Elle croyait en les mêmes valeurs que celles de son mentor, ses objectifs. Elle voulait poursuivre cette voie-là. Ouais. Puis surtout auprès de la jeunesse. Son héritage, je pense qu'il est là. Elle a probablement insufflé l'étincelle de curiosité pour la nature et peut-être des carrières scientifiques aussi chez les jeunes. Mais elle a défriché le chemin aussi pour d'autres femmes scientifiques. C'est sûr qu'elle a été un modèle. Marianne Desautels-Marissal, journaliste scientifique, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci à vous. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.